إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc chers frères en Allah Azza wa Jal, on est arrivé aujourd'hui au quatrième annulatif parmi les annulatifs de l'islam النقد الرابع من وقت الإسلام التي ذكرها الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Et donc le quatrième annulatif, النقد الرابع من اعتقد أن هادي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on avait déjà vu trois annulatifs. On a vu 15 règles dans le tekfir, dawabit dans le tekfir, 15. On les a finis, ça c'était l'introduction. On a vu aussi l'importance de l'islam, islam. Qu'est-ce que ça veut dire un naqid, d'où ça vient le mot naqada, qu'est-ce que ça veut dire dans la langue arabe le mot naqada. On a vu la différence entre un nawaqid et un nawaqis. C'est quoi un nawaqid? C'est ce qui annule complètement l'islam. Et un nawaqid, c'est ce qui annule complètement l'islam. Et un nawaqis, c'est ce qui... Donc on a vu tout ça, on ne va pas revenir sur le sujet. On a vu aussi pourquoi l'importance d'étudier ce genre de sujet. On a vu aussi qu'il y a de nombreux annulatifs de l'islam et que Cheikh l'islam Mohammed ibn al-Wahhab il en a choisi 10 auxquels il s'est consacré dans cette épître. Et donc, c'est les 10 qu'on est en train d'étudier. On est arrivé au quatrième qui s'est récité par cœur le matin du début jusqu'à maintenant, avec le quatrième y compris. Et Inch'Allah, se motivent les uns les autres. Alhamdulillah pour le moment, alhamdulillah, une très bonne ambiance. Alhamdulillah, les frères ils viennent au cours, ils essaient d'étudier par cœur, les frères ils ont leurs livres, ils essaient d'être assidus, etc. Et c'est sur une base volontaire, bien sûr, comme on l'a déjà dit. On ne va pas obliger les gens à... D'accord, si quelqu'un... Je sais qu'il y en a qui le connaissent complètement, je sais qu'il y en a qui le connaissent en tout cas déjà en partie. Il y en a plusieurs qui sont déjà lancés pour le dire. Et s'il y en a plusieurs qui le connaissent, qu'ils le fassent un par un, Inch'Allah que ça peut être motive d'autres personnes à l'étudier, etc. Dans la qui se lance. Je vais dire à Cher Moukbil, Antakoum. Y'a là les frères, qui? Peut-être qu'il y a des gens sur internet, ils sont là, ah, Qaddar Allah, je suis loin, je peux pas. C'est vrai, Ah, comme cela. Et ouais, les frères. Y'a là, tfaddal. Y'a là, rahimakallah, anna nawaqid al-islam, 10 nawaqid. الشرك في عبادة الله لا شريك له قول الله تعالى إن الله لا يغفر ما يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما دون الأنصار الثانية من جعل بينه من جعل نعم. Donc tu as dit le premier maintenant. Non, j'ai pas fini le premier. Vas-y, continue. Si quelqu'un éventuellement s'il a un trou, ça arrive, quelqu'un peut lui تفضل, vas-y. Oui, ouais. ومنه الذبح الذبح لغير الله. ومنه الذبح لغير الله كما الذين يذبحون للجن او للقبر او كما قال هذا سي بالضبط نوصل Ouais, tu as essayé. Alhamdulillah, c'est le premier qui s'est lancé. C'est pas facile de parler devant les gens. C'est aussi pour ça que je le dis. Hein, faut apprendre petit à petit à pouvoir réciter devant les gens, à pouvoir parler devant les gens, etc. Hein, faut pas avoir peur. Un insan, il tawakkal ala Allah et hein, il se lance, il étudie. Puis aussi, c'est une bonne manière de voir les lacunes, éventuellement de réviser, etc. Un insan, il faut pas qu'il ait cette peur. Il faut essayer de, hein, de passer au-dessus de ça, etc. Hein, de cette boule qu'on a un peu dans le ventre. Quand on veut parler devant les gens, etc., hein, je crois que je suis un peu bien placé pour en parler. Donc il faut, à un moment ou à un autre, il faut commencer à se lancer et commencer à pouvoir réciter devant les gens, etc. Quelqu'un peut reprendre du début aussi jusqu'au quatrième. On a un peu le temps aujourd'hui. On va faire un cours de plus ou moins une heure quart, Inch'Allah, donc on a un peu de temps. Ah, tu veux continuer? Vas-y, hein. Je sais pas ce que tu t'es arrêté, vas-y. Juste par rapport, tu avais cité le verset, hein, les deux versets, là, ouais. Tu as bien fait. Et après, c'est min dalika, c'est quoi? C'est pas grave, continue, allez-y. الثانية من جعل بين الله من جعل بينه وبين الله وصائد يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر. Ça c'est quoi? C'est le? C'est le deuxième. Ouais, troisième. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. C'est celui qu'on a fait là, le cours passé. Répète, Al-Rabi. Là, tu es à la fin, là. Vas-y, t'as presque fini. أن حكم غيره أكمل من حكمي كالذين يفضلون أحسن من حكمي نعم كالذين يفضلون حكم التواغيت فهو كافر على حكمه فهو كافر. كيف تلانسي aussi dès le début, يلا. Il y en a, je sais qu'ils connaissent, je vais commencer à les désigner si ça continue, hein. Et ouais. Zit. Hein? Zid. Vas-y. Je t'écoute. Il y en a un qui est caché à droite là aussi. Il ne fait pas grand chose, mais. Hein? Zid. Je t'écoute. قال الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى. T'es sûr? Moi je sais que vous connaissez, mais c'est parce que vous êtes stressé, ça? Oh là là, hein? Ash-shirk fi ibadatillah. Et Wazid. Qui d'autre? Hein? Vas-y, Zid. الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية. فقال الله تعالى إنه من يشرك بالله. نعم سجس إنه من يشرك بالله حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قص القرآن يفوت. فقد حرم الله عليه زيد كوتيني وهم النار وما للظالمين من أنصار. كوتيني ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائلا يدعوهم أو يسألهم الشفاعة أو يتوكل عليهم فقرا إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك على كفرهم صحح مذهبهم كفرا أو شك في كفرهم أو زيد أو صح مذهبهم كفر. زيد الرابع من يعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلوا حكم الطواغيت على حكمه كفر. فهو كافر. اتلانسي فاسي C'est bien, il y a de plus en plus de frères qui se lancent, c'est bien, c'est bien. Inch'Allah, jusqu'à peut-être, on va pas la faire à la Cheikh Al-Anjari, hein, dans Sul Sunnah, que peut-être, hein, peut-être qu'on devrait le faire, hein, que tout le monde répète, femmes, hommes, enfants, et tout ça, etc., qu'à la fin du cours, on le connaît tous par cœur, fadal. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. C'est juste, mais c'est le deuxième verset. Mais c'est juste quoi? C'est le deuxième. Le premier c'est quoi? إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما له النار وما للظالمين من أنصار. ومنه ذب لغير الله كما يذبح للجين أو للقبر. الثاني من جعل بينه وبين الله وصاهب يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر عجمع. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحاح مذابهم كفر. الرابع من اعتقد أن غير هدي نبيه صلى الله عليه وسلم أكمل من أحسن من هديه من هديه أو أن غير أحسن أو أن حكم أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل كالذين يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. كالذين يفضلون داكور. Donc ça c'est les quatre les trois qu'on a déjà vus, et le quatrième qu'il a cité maintenant, c'est celui qu'on va, on va mieux comprendre ce qu'il a dit avec l'explication du Cheikh Mohamed bin Omar bin Salim Mazmoul, hafidahullah ta'ala. Ben, on commence le charh, il y a peut-être d'autres qui veulent réciter, on laissera ça pour les prochains cours, etc. Inch'Allah. Donc, c'est pas pour, encore une fois, pour vous mettre mal à l'aise, hein. Je me suis permis avec quelques personnes de les pousser parce que je sais que je peux me permettre avec eux, que je les connais depuis longtemps, que je sais qu'ils le connaissent, etc. Mais on veut surtout pas vous mettre mal à l'aise, etc. Ce sera toujours, Inch'Allah, sur une base volontaire. Donc, قال المصنف رحمه الله تعالى الرابع أي الرابع من نواقض الإسلام أو من النواقض التي ذكرها الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الشيخ محمد بن عمر بن سالم بزمول حفظه الله تعالى قال هذا الأمر كفر لأن فيه ترك للإسلام وتسوية للإسلام بغيره، وذلك لأن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإسلام. ومن ادعى أن غير الإسلام مساوي للإسلام أو أكمل من الإسلام أو أفضل من الإسلام فإنه قد كفر، لأنه لم يصدق أن الدين عند الله الإسلام، وأن الله لا يقبل من أحد غيره، ولأنه كذب ما أخبر الله تعالى به من كمال الدين. قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تبارك وتعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن يضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. دوك شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شيخ الإسلام dans son épître les annulatifs de l'islam, il dit le quatrième annulatif: quiconque croit que la guidance d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus complète que sa guidance alayhi salatu wa sallam, ou que le jugement d'autre que lui est meilleur que son jugement, comme ceux qui préfèrent le jugement des tawarit à son jugement, est un mécréant. Cheikh Mohamed Bazmoul maintenant il explique ce point là, ce quatrième naqid min nawaqid al-islam. cette affaire est une mécréance, le cheikh il dit, car il y a en cela un délaissement de l'islam. Et le fait de mettre autre que l'islam au même niveau que l'islam. Et cela car la guidance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le jugement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est l'islam. Et celui qui prétend qu'autre que l'islam est au même niveau que l'islam, ou plus complet que l'islam, ou meilleur que l'islam, aura alors mécru. Car il n'aura pas cru que la religion acceptée par Allah est l'islam. Et qu'Allah n'accepte de personne autre que cela. Et car il aura démenti ce dont Allah le Très-Haut a informé au sujet de la perfection de la religion. D'accord ? Et là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va citer un dalil, une preuve, c'est quoi ? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le Très-Haut dit, selon la traduction du sens est, certes la religion acceptée d'Allah c'est l'islam, ceux auxquels le livre a été apporté ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. Sourate Ali Imran, verset 19. Et Allah le Très-Haut dit, selon la traduction du sens est, c'est-à-dire qu'il donne une deuxième preuve ici du Coran, et quiconque désire une religion autre que l'islam, ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Sourate Ali Imran, verset 85. Et encore un autre verset, donc c'est le troisième ici, et Allah le Très-Haut dit, selon la traduction du sens est, aujourd'hui j'ai parachevé, et faites attention aux mots qui sont utilisés ici, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Et ça c'est la traduction du sens du verset 3 de Sourate Al-Ma'idah. Maintenant, on va rentrer dans une parole d'un grand exégète parmi les exégètes du Coran, qui est Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Comment il s'appelle le tafsir d'Ibn Kathir? On l'a déjà dit dans le cours précédent. C'est quoi? Tafsir al-Qur'an al-Azim. D'accord? Donc maintenant, on va rentrer dans la parole d'Ibn Kathir. Je vous dirai quand on va finir la citation d'Ibn Kathir, rahimahullah, par rapport à ces versets. Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit, قال ابن كثير رحمه الله هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلى الله عليه وسلم الشيخ سيل دي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا سورة الأنعام أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي فلما أكمل الدين لهم تمت النعمة عليهم ولهذا قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أي فرضوه أنتم لأنفسكم فإن الدين الذي رضيه الله وأحبه وبعث به أفضل رسله الكرام وأنزل به أشرف كتبه قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله اليوم أكملت لكم دينكم وهو الإسلام أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. Donc انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى dans تفسير القرآن العظيم المجلد الثالث. Donc ابن كثير nous explique cela en disant رحمه الله cela est le bienfait d'Allah. Le Très-Haut est le plus grand. Cela est le bienfait d'Allah, le Très-Haut, le plus grand. Il a dit en arabe ici, Hadi akbaru ni'amillah. Cela est le bienfait d'Allah, le Très-Haut, le plus grand pour cette communauté. Car il leur a parachevé la religion, et donc ils n'ont pas besoin d'une autre religion, ni d'un autre prophète que leur prophète, que les prières et les salutations d'Allah soient sur lui. Et c'est pour cela qu'Allah en a fait le sceau des prophètes. Et il l'a envoyé aux êtres humains et aux djinns. Et donc, il n'y a de licite que ce qu'il a rendu licite. Et il n'y a d'illicite que ce qu'il a rendu illicite. Et il n'y a de religion que ce qu'il a légiféré. Et toute chose au sujet de laquelle il nous a informé est une vérité. Et une véracité sans mensonge ni fausse promesse. comme Al-Tru a dit, c'est dans la traduction du sens est, et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Surat Al-An'am, verset 115. C'est-à-dire, en toute vérité dans les informations et en toute équité dans les ordres et les interdits. Donc je répète cette phrase, elle est importante. C'est-à-dire, en, et c'est par rapport au verset Surat Al-An'am dont la traduction du sens est, et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en Sidqan wa Adla, en toute vérité et en toute équité. D'accord, hein? Donc ici, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh? Il dit, c'est-à-dire en toute vérité dans les informations et en toute équité dans les ordres et les interdits. Et donc, sur la part d'Ibn Kathir, rahimahullah, comme il leur a parachevé la religion, le bienfait s'est accompli sur eux. Et c'est pour cela qu'il a dit, c'est dans la traduction du sens, « Subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. » Surat Al-Ma'ida, verset 3. Cheikh Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, c'est grand imam de la communauté, c'est-à-dire agréez-le donc pour vous, pour vous-même. Car il, c'est-à-dire l'islam, est la religion qu'Allah a agréée et aime, et avec laquelle il a envoyé le meilleur de ses nobles prophètes, et avec lequel il a révélé le plus noble de ses livres. Puis c'est une parole d'Ali ibn Abi Talha qui a rapporté la parole d'Ibn Abbas. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, il a dit, et c'est l'islam. Allah a informé son prophète, alayhi salatu wassalam, et les croyants, qu'il leur a parachevé la foi. Et que donc, ils n'auront jamais besoin d'une addition. Et Allah l'a complété. Et donc, il ne diminuera jamais. Et Allah l'a agréé. Et donc, il ne le désagréera jamais. Je répète cette phrase ici. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et c'est l'islam. Allah a informé son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les croyants, qu'il leur a parachevé la foi. Et que donc, ils n'auront jamais besoin d'une addition. Et pourquoi il n'y a pas besoin d'addition, qu'on n'aura jamais besoin d'addition? Ah, parce que la religion, elle est quoi? Elle est complète, elle est parachevée. Vous constituez par rapport, hein, à la part de Cheikh Islam Mohammed Al-Wahhab, quand il a rapporté le quatrième naqid. D'accord, hein? Anna hadi ghayr Nabi sallallahu alayhi wa sallam akmalo min hadi. Alors que la religion, elle est quoi? Elle est complète. Elle est complète, elle est parachevée. Vous situez un peu, juste pour situer par rapport au, hein, au sujet du cours aujourd'hui. Donc Allah a informé son prophète, alayhi salatu wassalam, et les croyants qu'il leur a parachevé la foi, et que donc ils n'auront jamais besoin d'une addition, et Allah l'a complété, et donc il ne le diminuera jamais. Et Allah l'a agréé, et donc il ne le désagréera jamais. Fin de citation d'Ibn Kathir, je vous donne la référence pour les frères qui veulent voir, ça peut varier en fonction des différentes éditions. La référence qui donne le Cheikh ici, c'est Tafsir al-Qur'an al-Azim, volume 3, page 26. Donc, Cheikh ici, il continue, il dit, pour les frères qui ont le même livre que moi, on a la page 120, hein, l'édition de Dar Adwa al-Salaf. ومعنى ذلك أنه سبحانه وتعالى رضي لنا الإسلام فإذا رأى أحد هاديا غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أو رأى حكما غير حكم الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم أو ساوى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم حكم غيره من الطواغيت فهذا قد كفر وخرج من الملة ويدخل في ذلك تحت قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Donc Cheikh Mohamed Mazmoul, حفظه الله تعالى, il continue en disant, et le sens de cela est qu'Allah a agréé pour nous l'islam. Et donc, si quelqu'un voit qu'une autre guidance, que la guidance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est plus complète que la guidance du messager sallallahu alayhi wa sallam, ou, là on revient au maître, hein, ou met le jugement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au même niveau que le jugement d'autres que lui parmi les tawarites, il aura alors mécru et sera sorti de la religion. Et en cela, il entre sous la parole d'Allah dont la traduction du sens est « Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah fait descendre, les voilà les mécréants. » Surat Al-Ma'idah, verset 44. Et sa parole dont la traduction du sens est Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. Surat al-Ma'ida, verset 45. Et sa parole dans la traduction du sens est, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Surat al-Ma'ida, verset 47. Et Cheikh, il continue en disant, Wal-Hadi, maintenant il explique c'est quoi Al-Hadi, parce qu'il a dit, hein, il a dit quoi dans le maître? Il a dit, Man i'taqada anna hadiya ghayr an-nabi sallallahu alayhi wa sallam akmalu min hadiyah. Donc il convient de définir c'est quoi Al-Hadi. Hein? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit dans Khutbat al-Haja? Khaira. Ewa. Khaira al-Hadi. Et on dit dans d'autres riwaya, Khaira al-Huda. D'accord? Huda qui? Le Huda de qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hadi. Il va définir moi c'est quoi Al-Hadi. Il dit Al-Sira al-Amma. Fahadi al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. سيرته العامة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام فهو يشمل كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من المستحبات ومن الواجبات وما فعله عليه الصلاة والسلام وما تركه عليه الصلاة والسلام regardez la précision du cheikh ici مع قيام المقتضي لفعله يدخل في هذا يدخل فيه ما أمر به صلى الله عليه وسلم من الاعتقاد فإنه داخل في ضمن الواجبات فهذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الهدي العام الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici, il fait la définition de ce qu'est le hadi. Et il dit al hadi que nous on a traduit par quoi? La guidance. Eh bien c'est as-sirah al-amma. Retenez, c'est facile à retenir, al hadi huwa as-sirah al-amma. C'est-à-dire la conduite, la manière de vivre générale. Donc la guidance du messager صلى الله عليه وسلم c'est sa conduite générale sur laquelle il était, et cela englobe donc tout ce qui a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est recommandable et ce qui est obligatoire. Hein, tous les actes qui sont recommandables, qui sont mustahab, ce que le cheikh il a appelé mustahabbat, et ce qu'on appelle aussi al-wajibat, qui sont les actes qui sont obligatoires. On avait déjà expliqué un peu dans Usul Fiqh c'était quoi la différence entre mustahab et le wajib, et les différences entre le makruh et le muharram. On va pas revenir là-dessus. Pour les frères et les sœurs qui n'étaient pas présents, qui veulent savoir, qui reviennent à Usul, ou Sharh Usul min ilm al-Usul de Cheikh Al-Uthaymeen, qui est un livre dans Usul Fiqh que lui-même a écrit, que lui-même a expliqué, rahimahullah ta'ala. Il a été publié en un volume, une édition officielle de sa mu'assassa, de son institution, rahmatullah alayh. Donc le cheikh il continue ici, il dit, et ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'il a délaissé, alayhi salatu wa sallam, alors que ce qui nécessitait cette action était présent, vous voyez la précision du cheikh ici, il a dit quoi? Il a dit, et ce qu'il a fait, alayhi salatu wa sallam, et ce qu'il a délaissé, alors que ce qui nécessitait cette action était présent. Tout cela fait partie de cela, c'est-à-dire sa guidance, et ce qu'il a, alayhi salatu wa sallam, a ordonné en termes de croyance fait partie de cela, car cela entre dans quoi? Dans les obligations. D'accord? Voilà donc ce qu'est la guidance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La guidance générale sur laquelle il était alayhi salatu wa sallam. Maintenant, le cheikh il dit وَالْعُلَمَا يَحْكُمُونَ بِكُفْرِ مَنْ تَبَتَتْ لَدَيْهِ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم ثُبُوتًا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةِ وَلَا مَانِعَ يَمْنَعُ مِنْ قَبُولِهَا ثُمَّ هُوَ يَرُدُّهَا. Regardez le dhabt d'Ahl Sunnah quand il parle dans l'aqidah. Regardez la précision des gens de la Sunnah, des Salafis, quand il parle dans l'aqidah. فما بالكم بمن يعتقد أن هدي غير الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي عليه الصلاة والسلام. Donc le cheikh il dit, et les savants jugent mécréants, suivez bien la phrase ici, et les savants jugent mécréants celui pour qui une sunna parmi les sunnan du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est établie. Comment elle est établie pour lui? Elle est établie d'une manière qui fait que la preuve est établie contre lui, et sans qu'il n'y ait de barrière qui l'empêche de l'accepter, puis lui il la rejette. Et les conditions, c'est-à-dire qu'il la, il la rejette, alors que quoi que, hein, cette sunna parmi les sunnas du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a été établie, elle est établie pour lui de manière quoi? Qui fait que la preuve, hein, est établie contre lui, et sans qu'il n'y ait de barrière qui l'empêche de l'accepter. D'accord? Et cher, il dit, qu'en est-il alors de celui qui croit que la guidance d'autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est plus complète que sa guidance à lui alayhi salatu wa sallam? Et cher, il dit, c'est important ce genre de sujet parce que les tekfiris tournent beaucoup autour de ce genre de sujet, hein, le khawarij, Et donc c'est important qu'un salafi il maîtrise un minimum ce genre de sujet. On va rentrer dans tout ce qui touche au hukm ghayr ma anzalallah. Et d'ailleurs c'est important pour notre aqidah d'abord, bien sûr, vous avez compris ce que je veux dire aussi, parce qu'il y a beaucoup de chouboîtes qui sont répandues autour de ce sujet, et donc il convient d'avoir la science un minimum à ce sujet. ويدخل في هذه المسألة ويدخل في هذا pardon ويدخل في هذا مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. وهذه المسألة فيها مواطن أجمع عليها العلماء وفيها مواطن اختلفوا فيها. Ça c'est une phrase très très importante de comprendre, et Cheikh va y revenir un peu après, inshallah. Qu'est-ce qu'il dit le Cheikh? Il dit, et fait partie de cela l'affaire du jugement par autre que ce que Allah a fait descendre. Le hukm بغير ما أنزل الله. Et ça, c'est une phrase très importante qui arrive ici, retenez-la. Hein. Il y a dans cette affaire des points au sujet desquels les savants sont unanimes, et il y a des points au sujet desquels ils ont quoi? Ils ont divergé. Il va revenir, après sur divergence, il va revenir, inchallah le cher, sur aussi les fruits de cette divergence. Et pourquoi c'est important de savoir que c'est une divergence que va utiliser le mot plus loin, qui est un khilaf mu'tabar, qui est considéré ou qui est prise en considération, hein, une divergence qui est prise en considération. Il dit, le cheikh, hafidhahullah, ajma'u, on est à la page 121 en arabe, ajma'u anna man hakama bi ghayri ma anzalallah, mu'taqidan anna hukma ghayri Allah yusawi hukma Allah, ou afdala min hukmi Allah, ou huwa as-salih li hadha az-zaman bi khilafi hukmi Allah. أو أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله فإنه يكون بذلك كافرا كفرا مخرجا من الملة وكذا من حكم بغير ما أنزل الله افتراء على الله أن هذا حكم الله فإنه أيضا يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة واتفقوا على أن من حكم بغير ما أنزل الله في القضية أو في القضيتين بشهوة أو لمصلحة دنيوية بغير أن يقترن بشيء من الأمور المذكور من الأمور المذكورة من الاستحلال أو الافتراء أو اعتقاد أنه أفضل إلى آخره أنه لا يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة إنما كفر دون كفر. واختلفوا من la première phrase était ici واتفقوا من c'est quoi واختلفوا في من جاء بتشريع من عند نفسه وعممه على الناس فشرع تشريعا عاما بغير ما انزل الله وهذا تسمى مساله التشريع العام ولها صورتان. Et après on va les citer, les deux formes de ce point. On va d'abord traduire ce qu'il a dit avant. Donc je répète cette phrase, on a dit que quoi que dans cette affaire il y a des points sur lesquels les ulama sont unanime, et il y a deux points sur lesquels ils sont en divergence. Ça, c'est compris. D'accord? Ils sont unanimes sur le fait que celui qui juge par autre que ce qu'Allah fait descendre, d'accord? En ayant la croyance, ou en croyant que le jugement d'autre qu'Allah est au même niveau que le jugement d'Allah, ou meilleur que le jugement d'Allah, ou qu'il convient à cette époque contrairement au jugement d'Allah, ou qu'il est permis de juger par autre que ce qu'Allah a fait descendre, ou qu'il est licite de juger par autre que ce qu'Allah a fait descendre, c'est-à-dire ce qu'on appelle en arabe comment? L'istihlal. Qu'il est à cause de cela un mécréant, d'une mécréance majeure qui le fait sortir de la religion. Et de même, le cheikh dit, pour celui qui juge par autre que ce qu'Allah a fait descendre, il ment. Il a dit ftiran ala Allah, ul'adhu billah. Mentant à l'encontre d'Allah en prétendant que cela est le jugement d'Allah. Il est aussi mécréant. De quelle mécréance? D'une mécréance majeure qui le fait sortir de la religion. D'accord? Puis le cheikh il continue. Il dit, et ils sont unanimes sur le fait que celui qui ne juge pas parce qu'Allah a fait descendre dans une affaire ou deux en raison d'un désir ou d'un bien de ce bas monde sans que cela ne soit accompagné par l'une des choses précitées, et le fait de croire que cela est licite ou le mensonge ou la croyance qu'il est meilleur, etc., qu'il n'est pas mécréant d'une mécréance majeure. Pourquoi? Parce qu'ici les conditions elles n'est pas, hein, Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Il a dit sans que cela ne soit accompagné d'une des choses précitées, puis les a recitées, c'est quoi ? Ben, le fait de croire que cela est licite, ce qu'on appelle l'istihlal, d'accord ? Ou le mensonge, ou la croyance qu'il est meilleur, etc. Et bien alors là, il n'est pas mécréant d'une mécréance majeure qui leur fait sortir de la religion, mais c'est plutôt quoi alors ? Une mécréance mineure en deçà, ce qu'on appelle kufr duna kufr, mécréance mineure en deçà de la mécréance majeure. On avait cité que parmi les osos dans le sunnah jama'a, c'était quoi ? Hein, qu'il y a une différence entre quoi, le kufr l'akbar, le mukhrij min al-millah, ou le kufr l'asghar, ghir mukhrij min al-millah. Qu'il y a une différence entre la mécréance majeure qui fait sortir de l'islam et la mécréance mineure qui ne fait pas sortir de l'islam. Puis le cheikh, il continue, il dit, et ils ont divergé en ce qui concerne celui qui vient avec une législation venant de lui-même et la généralise aux gens. Et donc il a légiféré une législation générale par autre que ce qu'Allah a fait descendre. Et cela est appelé l'affaire de la législation générale. At-tashri' al-'am. Et elle a deux formes. C'est quoi ces deux formes ? La première, as-sura al-oula, il a dit wala suratan wa suratul oula an ya'ti al-hakim bi hukmi بحكم بغير ما أنزل الله فيعممه على الناس. الصورة الثانية أنه يشرع هو تشريعا من عند نفسه سواء عممه أو لم يعممه، هذا يسميه نصرة التشريع. فذهب جماعة من العلماء حفظهم الله إلى أن هذا كفر أكبر مخرج من الملة، وذهب بعض أهل العلم إلا أن هذا ليس كفرا أكبر مخرجا من الملة إلا إذا اقترن بأن رآه أصلح أو مساويا أو استحله إلى آخره. واختلفوا إذا قال القاضي بالقضية على خلاف ما أنزل الله في قضايا كثيرة متكررة، فقال بعض أهل العلم هذا كفر أكبر مخرج من الملة، وذهب آخرون إلى أنها ليست بكفر أكبر مخرج من الملة، فهي كفر دون كفر إلا إذا اقترنت بتلك الأحوال، سيكون الأحوال من الاستحلال أو اعتقاد أنها جائزة أو أنها أفضل إلى آخره. داكوغ؟ J'espère que vous suivez, ça va, hein, c'est un peu technique mais c'est important. Donc on a dit que, je répète la phrase avant que vous suiviez, ils ont divergé en ce qui concerne celui qui vient avec une législation venant de lui-même et la généralise aux gens. Et donc il a légiféré une législation générale par autre que ce qu'Allah a fait descendre, et cela est appelé comment ? At-tashri' al-'am, l'affaire de la législation générale, et elle a deux formes. La première, que le juge vienne avec le jugement par autre que ce qu'Allah a fait descendre. Le gouverneur ou le juge vient avec le jugement par autre que ce qu'Allah a fait descendre et le généralise aux gens. Le deuxième, que lui légifère une législation venant de lui, qu'il la généralise ou pas. Il l'appelle appui de la législation. Nusratut tashri'a. Un groupe de savants, qu'Allah les préserve, ont l'avis que c'est une mécréance majeure qui fait sortir de la religion. Et certains parmi les gens de science ont l'avis que cela n'est une mécréance majeure qui fait sortir de la religion que si c'est accompagné, et vous pouvez terminer la phrase, du fait qu'il voit que c'est plus convenable, hein, ou au même niveau, ou qu'il croit que c'est, hein, comment on a dit, istihlal, qu'il croit que c'est licite, d'accord, etc. Et ils ont divergé au sujet du juge qui juge l'affaire par ce qui est contraire à ce qu'Allah fait descendre dans des affaires nombreuses et répétées. Certains parmi les gens de science ont dit, ceci est une mécréance majeure qui fait sortir de la religion. D'accord ? On n'a pas lu ça en arabe ? Si ? D'accord. Et d'autres ont dit quoi ? Que ce n'est pas une mécréance majeure qui fait sortir de la religion et que c'est une mécréance donc quoi ? Mineure, en deçà de la mécréance majeure, ce qu'on appelle kufrun duna kufrin. Sauf, et vous avez entendu la condition ici, sauf si cela est accompagné de l'une de ces situations. Quelles sont les situations encore une fois ? Le fait de croire que c'est licite, ou croire que cela est permis, ou que cela est meilleur, etc. D'accord ? On s'est arrêté là en arabe ou pas ? Hein ? D'accord. واختلفوا فيما إذا ترك الشريعة وبدلها بأحكام وقوانين وضعية. Et ça, c'est ce que le choc de l'ulama, ils appellent التبديل. التبديل, hein, les tekfiris tournent beaucoup autour de cette notion-là de التبديل. Il ne faut pas rentrer trop dans... on pourrait, et peut-être qu'on fera ça dans un des prochains cours, etc. On aurait pu rajouter, rapporter, quelques choubouettes que les tekfiris autour de ça, hein, et réfuter ces choubouettes-là. Notamment dans un livre qui s'appelle Al-Mutashabih fi Al-Jihad wa Al-Takfir de Cheikh Mohamed Bazmoul lui-même, hein, qui est un livre excellent en la matière, et il rapporte des usul importants sur tout ce qui touche au jihad et tout ce qui touche au tekfir. Il réfute beaucoup d'ambiguïté dans ce livre-là. C'est un gros volume qui a été édité sous le titre que j'ai dit de Cheikh Mohamed Bazmoul lui-même. À la Koulihal, si les frères veulent, ils peuvent retourner au livre en attendant. Donc le Cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici? Il a défini c'est quoi le tebdil. Vous regardez en note de bas de page, il a dit le tebdil, il a dit dakarahu l'ulama wa nassa alayhi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah huwa as-suratu allati ajma'a 'alayha fi as-sabiq. أن يأتي بحكم بغير ما أنزل الله وبحكم بغير ما أنزل الله ثم يفتري على الله بأنه من عند الله هذه صورة التبديل. Donc Cheikh, le Cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, et ils ont divergé sur le fait qu'il délaisse la législation et la remplace par des jugements et des lois forgées, ce qu'on appelle qawanin wad'iyya. Et justement, il fait une note de bas de page, le Cheikh, il dit le tabdil, c'est quoi le tabdil, hein? Vous avez vu le verbe qu'il a utilisé, baddala, yubaddilu tabdila. C'est le tabdil que citent les savants, c'est, et dont a parlé Cheikh l'Islam, le Taymiyyah rahimahullah ta'ala, et la forme sur laquelle les savants sont unanimes. L'adillati ajma' alayha fi s-sabiq. Ou l'adillati ujma' alayha fi s-sabiq. Il a dit, je répète cette phrase, التبديل que citent les savants, et dont a parlé Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et la forme sur laquelle les savants sont unanimes, comme nous l'avons vu précédemment, c'est qu'ils viennent avec un jugement autre que ce qu'Allah a fait descendre, puis ment à l'encontre d'Allah, prétendant quoi? Que cela vient, hein, d'Allah, et c'est, voilà donc la forme du تبديل. Maintenant, il dit faqala ba'dhum. Pourquoi il a dit faqala ba'dhum? Qui sait me répondre? Parce qu'il a dit quoi juste avant? Ikhtalafu. Il a dit que mas'ala, il y a quoi? Il y a un khilaf. Donc, il dit faqala ba'dhum. Hada kufrun akbar mukhrijun min al-milla. Wa qala ba'dhum. Hada la yakunu kufran akbar mukhrijun min al-milla. Vous pouvez terminer la phrase. Illa ida qtarana bima sabaqat al-isharatu ilayh. Donc le Cheikh, il dit, certains d'entre eux, certains parmi les gens de science ont dit que c'est une mécréance majeure qui fait sortir de la religion. Et certains d'entre eux ont dit, parmi les gens de science, ce n'est une mécréance majeure qui fait sortir de la religion que si c'est accompagné de ce que nous avons indiqué précédemment. Et on revient à ce qu'on a dit plusieurs fois déjà précédemment. De toute façon, vous aurez les notes, Inch'Allah, à partir de ce soir ou demain matin sur le site pour revoir si vous voulez, et l'audio aussi, Inch'Allah. Maintenant, il pose une question et il dit, mais... ثمرت هذا الخلاف. C'est quoi le fruit de cette? Quel est le fruit de cette divergence? Ça, c'est important de comprendre. Le Cheikh dit al-jawab. اولا ينبغي ان تلاحظ ان الخلاف هنا خلاف معتبر. اذ العلماء الذين خالفوا لديهم ما يستندون اليه من الادله المعتبره من عمومات النص القراني وعمومات كلام الصحابه وعمومات كلام اهل العلم فهو خلاف معتبر. Quel est le fruit de cette divergence? La réponse, premièrement, qu'il convient que tu remarques que la divergence ici est une divergence, comme il appelle le cherchi khilafun, retenez le mot, mu'tabar. Khilafun comment? Mu'tabar. C'est-à-dire que c'est une divergence qu'on peut dire en français qui est prise en considération. Hein? Car les savants qui ont un autre avis ont des preuves considérées sur lesquelles ils se basent en termes de textes coraniques généraux. Et des paroles de compagnons général, et des paroles de gens de science générale. Et donc la divergence ici est prise en considération. Deuxièmement, ثانيا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أرضاه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. On a déjà vu ce hadith dans beaucoup de nos cours, dans Usul Sita, on l'a vu dans le, la deuxième règle sur le takfir, on l'a vu aussi. Hein? بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله على أثرات تكون علينا. C'est une parole de qui ça? De Ubad ibn Samit qui rapporte, qui est dans Sahih Muslim, Kitab al-Imara. D'accord? قال ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. Ça c'est la parole de qui? Naam. C'est un hadith. Et il dit, le cheikh justement, هذا الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح في عدة أمور ضبط بها الرسول صلى الله عليه وسلم تكفير الحكام. Je répète cette phrase en français. Deuxièmement, c'est-à-dire c'est quoi le fruit de cette divergence? On a dit la première c'est quoi? Hein? Et bien deuxièmement, dans le hadith de Ubadah ibn Samit qu'Allah l'agrée, il dit: nous avons prêté allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le fait d'écouter les gouverneurs dans notre difficulté et dans notre aisance, dans ce que nous aimons et dans ce que nous détestons, et que nous ne disputions pas l'affaire à ces gens. Ala atharatin takunu alayna. D'accord? On avait déjà expliqué, je vous dis qu'on fait une traduction d'un hadith, on va toujours chercher le sharh du hadith. D'accord? Et le sharh du hadith, il dit en français, c'est que nous disputions par l'affaire à ces gens, même s'ils nous privent de choses à leur propre bénéfice. Ala atharatin alayna, ala atharatin alayna. Il dit, tant que vous ne voyez pas d'eux, quoi? Regardez l'importance de la langue arabe. Qui sait me dire cette partie du hadith en arabe? Et vous allez comprendre pourquoi je demande ça. Illa an taraw. Retenez ça. Taraw. Retenez, c'est le waw là. Taraw. Illa an taraw, quoi? Kufran. Et quoi? Kufran. C'est tout que kufran. Comment il entre le kufr? Bawahan. عندكم فيه من الله برهان. D'accord? Donc, tant que vous ne voyez pas une écrance claire, apparente, ça on va revenir là-dessus, Inch'Allah. Et on va revenir sur le vous aussi. Vous ne voyez pas. Au sujet de laquelle vous avez une preuve venant d'Allah. Ça aussi c'est important. D'accord? Cheikh, il continue, il dit, il y a dans ce hadith rapporté par l'auteur de l'authentique plusieurs choses par lesquelles le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, écoutez ce mot-ci, a conditionné le jugement de mécréance sur les gouverneurs. Et là, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? De ne pas revenir à ces quoi? À ces conditions. Et aussi, ils le font alors qu'eux, ils ne sont pas aptes à le faire. Et ça, on ne peut pas le voir aujourd'hui, parce qu'on ne va pas faire tout le chapitre aujourd'hui, mais on va peut-être le voir dans le cours prochain, parce que Shir, il va dire, c'est quoi une qadiyya, comment, qui est quoi? خطيرة جدا يجب الرجوع فيها إلى من؟ إلى العلماء. D'accord, c'est une affaire dangereuse dans laquelle, au sujet de laquelle il incombe, il est obligatoire, il convient de revenir aux savants. Hein? Si vous regardez peut-être pour les frères qui ont le livre en arabe, venez regarder à partir de la page 126. Non, qu'est-ce que je dis? Naam, c'est juste, Naam 126. Je lis juste, on ne va pas traduire ça aujourd'hui, mais je lis juste pour que vous sachiez que l'importance et le danger de ce sujet. من ثمرة الخلاف أن يعلم أن تنزيل هذا الناقد على الواقع قضية خطيرة. Donc, parmi les fruits de cette divergence, c'est quoi? C'est qu'on va voir qu'il doit être su que le fait d'appliquer tenzil. Vous vous rappelez la différence entre ta'sil ou Tenzil, et c'est là-bas que beaucoup de gens se trompent. Hein? Tenzil, le fait d'appliquer cela, cela, c'est quoi? De quoi on parle ici? D'un? Non, mais ici, d'un annulatif. Hein? Du quatrième, d'ici, c'est ça qu'on parle, d'un annulatif. Al-waqi' qadiyatun quoi? Khatira. Que le fait d'appliquer cet annulatif sur la réalité, c'est une chose, quoi, qui est une affaire qui est dangereuse. فالمسألة النظرية تنبني على الاعتقاد المذكور أنها أحكم وأنها أحسن. Il dit que l'affaire de manière théorique, elle est basée sur quoi? Sur la croyance. qu'on a cité, qu'elle est quoi? Ahkam. Wa annaha quoi? Ahsan, qu'elle est meilleure, etc. D'accord? Jusqu'à ce que. C'est, on ne va pas tout traduire maintenant, mais c'est juste pour vous montrer l'importance. Regardez ce qu'il dit après, et c'est en gras. C'est en lettres grasses. Regardez ce qu'il dit. Wal-ulama al-marjou ilayhim fi mithli hadhihi al-umur hum fi waqtina amthal. Et puis il cite des noms. Il est dit, les ulama auxquels on doit revenir dans ce genre d'affaires, quoi? Le fait d'appliquer ce genre de choses, c'est d'appliquer cette annulative sur des cas précis. C'est qui? Samahat al-Mufti, Cheikh Abdel Azali Cheikh. Ou Cheikh Salih al-Fawzan. Ou Cheikh Salih al-Luhaydan. D'accord? Et puis jusqu'à après, encore la page après, il va dire au rejour fidèle qu'il a l'ilm, la nataja wazuhum. Pourquoi il dit, après il dit, fahum akhsha lillahi minna, ils craignent plus Allah que nous. Wahum atqa lillahi minna, et ils sont plus pieux envers Allah que nous. Wahum a'lamu billahi minna, ils sont plus savants, hein, au sujet d'Allah que nous, etc. etc. C'est, on ne va pas traduire ça aujourd'hui, mais c'est juste pour vous dire, hein, que c'est une mas'ala qui est quoi, qui est khatira en termes d'application. On revient maintenant à ce qu'on était dans le cours. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y a dans ce hadith, quel hadith? Et où est les frères? C'est qui le rawi? Ubada Ibn Samit. Qu'est-ce qu'il a dit? Et ouais, Bayana c'est tout. Et ouais? Ala sam'a, c'est-à-dire quoi? Le fait d'écouter les. Le gouverneur, on continue, et ouais. Oui, mais si on va faire mot par mot, hein, on va pas s'en sortir. Ala kulli hal, hein, le hadith, on l'a vu, d'accord? Eh bien, il y a dans ce hadith rapporté par l'auteur de l'authentique plusieurs choses par lesquelles le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a conditionné. Dans ce hadith, il y a des conditions. Qui a conditionné quoi? C'est qui a conditionné? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a conditionné le takfir, le jugement de mes créances sur les gouverneurs. Parle des choses. C'est quoi ces choses? On va en voir ici combien? Comptez avec moi. 5, si je ne me trompe pas. Oui? 5. D'accord? Hein? De quoi? Ouais, conditions, règles. Et si vous, tu veux qu'on discute, c'est quoi la définition d'un dhabit, etc. On va en parler après, Inch'Allah. Dans l'istilah, c'est quoi le mot dhabit? Donc il a conditionné à l'essentiel le jugement de mécréance sur les gouverneurs par plusieurs choses, d'accord? Vous suivez? La première. C'est quoi la première? L'amr al-awwal. أن يكون الأمر الذي يكفر به الحاكم ماذا ثابتا إيه يقينا ولذلك عبر بقوله تروا فجعله كالأمر المشاهد بالعين. D'accord, ça c'est une chose que rapporte l'ulama par rapport à ce hadith là. Cheikh Bazmou dans l'autre livre que je vous ai cité, le site il explique aussi comme ça. Donc la première, c'est-à-dire que ce jugement de mécréance des gouverneurs, il est conditionné par des choses. La première de ces choses, c'est quoi? Que la chose par laquelle le gouverneur mécroit soit établie, fabit, et yaqin, certain. Établi et certain, et qu'il, sallallahu alayhi wa sallam, a exprimé cela par sa parole, que vous voyez, taraou. Et donc l'a rendu comme la chose qui est vue par les yeux. Deuxième chose. الأمر الثاني أن يكون هذا الإدراك والعلم والتحقق من ثبوته عند الجماعة لا مجرد فرد أو أفراد قليلة لذلك جاء بواو الجماعة ما لم تروا أو نون الجماعة لم نرى. Regardez l'importance de la langue arabe encore une fois ici. La deuxième condition, c'est que cette perception et cette science et cette certitude que cela est établi doit être auprès du groupe Jama'a et pas un seul individu ou peu d'individus, car il, alayhi salatu wassalam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wassalam, a utilisé la lettre arabe quoi? Wow, hein? Qui exprime le groupe, ou la lettre Noun lam quoi, kif? Nara, qui exprime le groupe. Ma lam nara. Donc nun ou bien waw qui exprime tous deux le groupe. Vous suivez, hein? Troisième chose. Donc première chose, c'est quelque chose d'établi, certain, que ça doit être quoi? Hein, on a dit que vous voyez, et donc la rendue comme la chose qui est vue par les yeux. Deuxième, c'était quoi? Que ça doit être, hein, une perception, science, certitude, que cela est établi auprès du groupe. Waw jama'a et nun aussi. D'accord? Troisième maintenant, al-amr al-thalith, qui est à la page suivante. An yakoun had al-amr kufran. فلا ينفع أن يكون الأمر من باب المعاصي والكبائر لأن هذه ليست من الأمور المكفرة. D'accord? Et ça c'est une évidence, ça peut-être pas évident, mais beaucoup de tekfiris, hein, ils font le jugement des tekfirs sur certains gouverneurs par des choses qui ne sont même pas au degré de la mécréance, qui sont par des grands péchés. D'accord? Donc c'est pour ça que le cheikh il dit ici, il dit la troisième chose, barakallahu fik, c'est que cela soit une mécréance. Pourquoi? Parce que le prophète a dit « Illa antaraw kufran bawahan » que cette perception, que cela soit une mécréance, et donc il n'est pas utile que l'affaire soit de l'ordre des désobéissances et des grands péchés, des péchés majeurs, le kaba'ir. Car ce ne sont pas des choses qui font sortir de la religion. D'accord? On avait vu, et on a un article complet traduit en français sur notre site, sur la position des gens de la sunna ou al-jama'a, la position des gens de la sunna du consensus, sur Murtakib al-Kabira, sur celui qui commet un grand péché, d'accord? On a vu les différentes situations, on a vu le juste milieu des salafis, al-Sunnah, al-Hadith, al-Athar, entre qui? Deux extrêmes, al-Khawarij et al-Murji'a, d'accord? Quatrième chose. الأمر الرابع أن يكون ماذا بواحا يعني ظاهرا معلنا. C'est que cette mécréance soit claire, c'est-à-dire apparente et déclarée. Cinquième, الأمر الخامس أن يكون لدينا حجة وبرهان في كون هذا الأمر كفرا فليس مما يدخله الخلاف لأن مع المخالف تأويلا والتأويل يمنع التكفير. On a vu que le ta'wil c'est une mawani'a al-takfir. وعلى هذا لا يسوغ التكفير بهذه المسائل المختلف فيها لأن المخالف متأول والتأويل يمنع التكفير. Cinquième, que nous ayons une preuve et une évidence sur le fait que c'est une mécréance et que cela ne soit pas des choses dans lesquelles la divergence entre, car celui qui a un autre avis a une interprétation avec lui. Or, l'interprétation empêche le jugement de mécréance. Et donc, en nous basant sur cela, il n'est pas permis de juger mécréant en fonction de ces affaires où il y a divergence. Car celui qui a un autre avis a une interprétation. Hein, ta'wil, on aurait pu expliquer qu'est-ce qu'il veut dire exactement par ta'wil, mais on va se limiter à ça maintenant. Or, l'interprétation est quoi? Ta'man est une barrière, un empêchement qui empêche le jugement de mécréance. Pourquoi il parle de tout ça ici? Par rapport toujours au hadith et par rapport au fait que, hein, on a parlé de la divergence. Et que c'est un khilaf qui est quoi? Mu'tabar. Maintenant, il dit, il revient à la parole de l'auteur de Nawaq al-Islam. وعلى هذا وعبارة المصنف رحمه الله الرابع أي الرابع من نواق الإسلام من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأن أو أن حكم غيره ماذا أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. انتهى كلام شيخ الإسلام. نبه فيها على أمور. Donc maintenant on revient au matin, si vous voulez, au texte de Cheikh Islam Mohamed Ben Al-Wahab, qu'on étudie aujourd'hui, qui est le quatrième, d'accord? Quatrième annulatif. Quiconque croit que la guidance, donc la parole de l'auteur ici, Cheikh Mohamed Ben Al-Wahab, rahimahullah, quiconque croit que la guidance d'autre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est plus complète que sa guidance, ou que le jugement d'autre que lui est meilleur que son jugement, comme ceux qui préfèrent le jugement des tawarit, évidemment on va devoir faire quoi ici? Définir c'est quoi? At-tawarit, à son jugement est un mécréant. Cheikh al-Islam, Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, a attiré l'attention sur plusieurs points. D'accord? Al-awwal, anna mujarrad li'tiqad, walaw bidun 'amal naqidun. Le premier, c'est que la croyance seule, même sans l'action, est un annulatif. Donc juste la croyance. Sans l'action, c'est un aqid, un annulatif. Qui sait me dire pourquoi, dans le matn? Comment tu vois ça? C'est assez clair, non? D'accord? Deuxième. الثاني أنه قيد الحكم بأن أنه قيد الحكم بكونه ناقضا مخرجا من الملة فلم يوقعه بمجرد وقوع المخالف لمخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام إنما قيد ذلك باعتقاد أن هدي غير الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه فقيد كون الحكم بغير ما أنزل الله ناقضا بأن يقترن باعتقاد أنه أكمل ou Ahsan min hadir Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième est qu'il a conditionné le jugement. C'est qui a conditionné? Cheikh Mohammed Al-Arab rahimahullah, et qu'il a conditionné le jugement comme étant annulatif de l'islam et faisant sortir de la religion, et donc il ne l'a pas appliqué sur la simple transgression, la transgression elle-même, la transgression de la guidance du messager de Allah, mais uniquement avec la condition qu'il croit que la guidance d'autre que le messager d'Allah est plus complète que sa guidance. D'accord? Vous avez suivi cette phrase là ou pas? Je répète. Et il a conditionné le jugement comme étant que c'est un annulatif de l'islam. Le jugement que c'est un annulatif de l'islam. Et comme faisant sortir de la religion. C'est conditionné par quoi? C'est conditionné. Et donc il ne l'a pas appliqué sur la transgression en tant que telle, une simple transgression, mais uniquement avec la condition, on a déjà dit que c'était conditionné, qui est quoi? Que ce soit, tout à l'heure on avait dit que ce soit accompagné de quoi? De la croyance, ou qu'il croit que la guidance d'autre que le messager de Allah est plus complète que sa guidance. D'accord? Que ce soit accompagné de cette croyance là et que le jugement d'autre que lui est meilleur que ce jugement à lui, et donc il a mis comme condition pour que le jugement par autre que ce qu'Allah a fait descendre soit un annulatif. Là il résume en fait ça, c'est important de suivre cette partie là et donc il a mis comme condition pour que le jugement par autre que ce qu'Allah a fait descendre soit un annulatif, qu'il soit quoi? On a connaissé le mot, accompagné de la croyance que c'est plus complet et meilleur que la guidance du messager d'Allah. C'est important de comprendre ça. Est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qu'ils disent? Hein? Il n'y a pas cette condition. Khalas, kafir. D'accord? Ça va, vous avez compris ce point-là? D'accord? Maintenant, on va parler de tawarit. Tawarit, c'est quoi tawarit? C'est un pluriel de tarot, c'est quoi tarot, etc. D'accord? Et après avoir défini tarot, et avoir apporté d'une parole de Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah, dans un livre qui est très connu de lui, qui est le Wajibat, et quoi? Al-Mutaha. Timad, et quoi? Ah, tu triches, tu regardes le titre. C'est quoi? Titre complet, le Wajibat Mutahat Timad. Vous avez déjà entendu parler de ce livre de Cheikh Islam Mohammed Al-Wahhab, rahimahullah. Et certains de nos mashaykhs qui l'ont expliqué. Cheikh Mohammed Amal Jami, rahmatullah alayh. D'accord? C'est un livre excellent à étudier, et un matin aussi que Cheikh, une épître que Cheikh Islam Mohammed Al-Wahhab l'a fait. Inch'Allah, si on a le temps, hein. La liste elle est longue, déjà des livres qu'on veut faire, mais. Hein, c'est une épître importante de Cheikh l'Islam. Au moins, essayez d'aller voir un peu ce que c'est et d'aller voir un peu les ulama qui ont, pour qu'au moins vous preniez connaissance et que vous fassiez connaissance avec ce livre qui est un des livres, une des épîtres que Cheikh l'Islam il a écrit, rahimahullah ta'ala. Donc vous voyez que Cheikh l'Islam, hein, le Wajibat Mutahattimat. Tu veux le titre complet, là, regarde. Tu regardes page 126. Le Wajibat Mutahattimat, le ma'rifatu alaikum muslimin wa muslima. D'accord? Page 126, vous avez le titre complet. Alors, si je ne me trompe pas, dans notre site, on a une section Moutoun que vous pouvez télécharger en écrit et en audio. Et je pense qu'il y est. Non, juste en arabe. Parce que c'est pour les frères qui veulent étudier par cœur, en fait, qu'on a fait cette section-là. Il y a une section pour tout ce qui aide à l'apprentissage de la science. Il y a une méthode complète pour la mémorisation du Coran et pour la révision du Coran quand tu as hafi le Coran, hein, parmi d'autres choses. Et il y a notamment une section qui est consacrée au Moutoun, au texte et au poème des ulama dans plusieurs sujets, dans l'angara, dans l'aqida, dans le fiqh, dans le hadith, etc. Et dans le musar al-hadith, etc. Hein? Et donc, le site spfbirmingham.com. C'est le site auquel on fait référence tout le temps dans ces cours. C'est le site qui propage et diffuse les cours qu'on fait dans cette mosquée et les traductions qu'on fait. D'accord ? spfbirmingham.com. Sinon, à la limite, tu peux peut-être le texter ou pour demander au frère ici qui vous le note tout à l'heure, Inch'Allah. On en était où là ? Parce qu'on se perd un petit peu. On était au Tawarit, d'accord ? Donc le cheikh il dit والطواغيت جمع مفردها طاغوت والطاغوت. Et vous avez vu qu'il y a une parenthèse ici qui s'ouvre pour les frères qui ont le livre en arabe. Il y a une parenthèse du début de cette parenthèse jusqu'à la fin de la parenthèse, et c'est la fin de ce cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Ce sera la parole de qui? Je viens de citer un livre, le cheikh Mohamed bin Abdel Wahhab rahimahullah, dans son livre Al-Wajibat Mutahattimat, Al-Ma'rifatu ala kulli muslimin wa muslima. Parce que c'est la définition dans les usul al-thalath. Ah, non. D'accord. Donc là, il fait le cheikh Mohamed Bezmoul pour expliquer ce qu'est Tawarit et c'est quoi Tawarit. Il rapporte une parole de cheikh l'islam Mohamed Al-Wahhab, le cheikh dont on est en train de faire le livre de Nawakhil Islam aussi. Et donc il dit At-Tawarit amun fi kulli ma'ubida min dunillah. ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت. C'est une définition étudiée par cœur. Donc c'est quoi الطواغيت? C'est le pluriel de son singulier qui est quoi? طاغوت. طاغوت طواغيت. D'accord? On aurait pu expliquer dans la langue arabe qu'est-ce que ça veut dire طاغوت, de quel verbe ça vient, etc. Hein? Revenez peut-être à l'explication de Usul Talatat sur l'Uthaymin ou d'autres mashaykhs où ils reviennent en détail sur ce genre de notion. Maintenant, on commence la parenthèse de Cheikh al-Islam Mohamed al-Wahhab rahimahullah dans le livre que je vous ai cité qui est Al-Wajibat, Al-Mutahattimat, Al-Ma'rifa ala kulli muslimin wa muslima. Et il explique c'est quoi le tarot. Il dit et le tarot est général pour quiconque est adoré en dehors d'Allah alors qu'il est quoi? Il est satisfait de cette adoration. Parmi ceux qui sont adorés ou suivis ou obéis dans autre que l'obéissance à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, il est donc quoi? Un tawarit. Et le cheikh dit والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. Ça doit vous rappeler quoi? La parole que tu citais toi tout à l'heure. D'accord? Et les tawarit sont nombreux, à leur tête ils sont 5. الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله والدليل قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Donc le premier c'est Satan qui appelle à l'adoration d'autres qu'Allah. Et la preuve de cela est la parole d'Allah dans la traduction du sens est: ne vous ai-je pas engagé enfant d'Adam à ne pas adorer le diable car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Sourate Yassine verset 60. Ça c'est le premier. Le deuxième, الثاني, الحاكم الجائر المغير لأحكام الله. والدليل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سورة ici en arabe, il y a une faute de frappe, ils mettent المساء, c'est النساء, سورة النساء, changer le mime en nun. Sourate Nisa, verset 60. Ça arrive, hein, des fautes de frappe comme ça. Donc, An-Nisa. Donc, le deuxième, le gouverneur oppresseur qui transforme les jugements d'Allah. Et la preuve de cela est la parole d'Allah, dont la traduction du sens est: n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tawarit, alors que c'est en lui qu'on leur a demandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Surat Nisa, verset 60. On est au quantième maintenant, on est au troisième. الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Donc le troisième, celui qui juge par autre que ce qu'Allah a fait descendre, et la preuve de cela est la parole d'Allah, dont la traduction du sens est: et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. D'accord? Quatrième, الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله والدليل قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. سورة الجن. وقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سورة الأنعام. كاتخيام. Celui qui prétend détenir la science de l'invisible en dehors d'Allah. Et la preuve de cela est la parole d'Allah dont la traduction du sens est c'est lui qui connaît le mystère. Il ne dévoile son mystère à personne sauf à celui qu'il agrée comme messager et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants. Surat al-Jin, verset 26-27. Et la parole d'Allah dans la traduction du sens est c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable, nul autre que lui ne les connaît, et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer, et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Surat al-An'am, verset 59. Et non, on est au dernier, parmi les tawarit, les têtes de tawarit, au Sum Khamsa, c'était qui? 1, 2, 3, 4, et maintenant on est au cinquième, au Khamis. Il a dit, Ubadu min dunillah, il ne s'est pas tué le shirk, qu'est-ce qu'il a dit? Wa huwa radin bil ibadah. Wa dalil qawlu ta'ala, wa man yaqul minhum illi ilahum min dunih, fadalika najzihi jahannam, kadalika najzi zalimin. Sur l'Anbiya, verset 29. Et avec ça, on a raffermé la parenthèse de la parole de qui? Le Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abdelwahab, dans son livre, Al-Wajibat, Mutahattimat, Al-Ma'rifah, Al-Kulli Muslim wa Muslima. Donc le cinquième, celui qui est adoré en dehors d'Allah, alors qu'il est satisfait de cette adoration. Et la preuve de cela est la parole d'Allah, dont la traduction du sens est, et quiconque d'entre eux dirait, je suis une divinité en dehors de lui. Nous le rétribuerons de l'enfer, c'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Surat Al-Anbiya, verset 29. Il y a une note de bas de page du Cheikh, Bazmoul, c'est ce que je vous ai déjà dit, ce qui est entre les parenthèses est une parole de qui? De l'imam Mohammed bin Abdelwahab rahimahullah dans son épître Al-Wajibat, Al-Mutahattimat, Al-Ma'rifa, ala kulli muslimin wa muslima. Puis, on va lire cette dernière phrase avant de rentrer dans le troisième point. C'est quel troisième point? Qui sait me dire? Si vous lisez le début de la phrase, Vous savez retourner, on va voir si vous suivez ou pas. Parce qu'on a parlé de quoi? Du fruit de la de ces divergences. D'accord? Mais ça sera pour le cours prochain, Inch'Allah. Mais je termine juste cette phrase parce qu'elle est liée à ce qu'on a dit avant. Man faddala hukma at-taghut 'ala hukmi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fa huwa kafirun. Donc cette phrase, on terminera là-dessus, Inch'Allah. C'est donc quiconque préfère le jugement des tawarit, on explique que c'était le jam' du mufrad qui est taghut, on avait dit c'était quoi? Ru'usum khamsa. Donc quiconque préfère le jugement des tawarit au jugement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est un kafir, un mécréant. Avec cela, on aura fini le cours d'aujourd'hui. Juste quelques petits points par rapport au site. On avait fait une dora en série qui était Kalimatun fi sunna la fil ahdath al jariya. On en a fait 4. On devait en faire une 5e. On va s'arrêter là. D'accord. On avait fait Keshf al haddadiya. On devait encore en faire un. On va s'arrêter là aussi. Donc le dossier est clos. Hein? Par rapport à ce démasquage-là, on va traduire d'autres choses de Shirabi, etc. Mais c'est assez, je pense, par rapport à cette dora-là, parce qu'on veut avancer, etc. D'accord. La semaine prochaine, je ne suis pas là, Inch'Allah, parce que normalement, je pars dans le nord de la France, du côté de Denain, Valenciennes et tout ça. J'ai une dora là-bas. Les frères ont invité, c'est plusieurs associations de frères qui ont organisé ça. Je n'ai pas encore l'adresse exacte. Ça va être le vendredi soir dans une mektaba des frères Salafi là-bas, et le samedi dimanche dans une mosquée. Et. Normalement Hassan était prévu, mais il est dans le sud de la France. Mais je serai avec Amjad Abou Zainab, Inch'Allah. Donc normalement on sera deux frères. Et au programme, normalement, vendredi soir on fera Autoquet sur la Sunna dans les fitnes, prends-toi, donne-toi un cœur de fer. On l'avait déjà fait ici à l'époque. Hein. Samedi, dimanche, je vais faire l'Ha'iya de l'imam Ibn Abi Daoud, rahimahullah, de Cheikh Zayd Ibn Hadi al-Madkhali. D'accord. Au moins les premières lignes de poésie. D'accord. Et c'est aussi que le samedi soir après le Maghreb. Tout ça, ça a confirmé, les responsables, ils confirmeront tout ça, Inch'Allah. Un dars sur Yom Qiyama, un rappel, hein, on en a besoin de temps en temps, même souvent. C'est un dars que j'ai fait dans beaucoup de villes et je ne pense pas que je l'ai encore fait ici. Et j'avais pensé à le faire aujourd'hui, mais je voulais que, hein, qu'on avance un peu dans le matin. Hein, parce que ça fait longtemps qu'on a... Mais c'est un réveil qui... Un dars qui réveille un peu, dont on a besoin. Et c'est en fait Ta'amulat fi surat al-Qari'ah. C'est des points à méditer tirés de la sourate Le Fracas. Et c'est sur al-ba'th et tout ce qui concerne la résurrection, hein, et comment les gens vont se lever, vont retourner vers leur Seigneur, etc. Hein. Donc ça, c'est des sujets importants. Donc peut-être que la semaine prochaine, le samedi après le Maghreb, ce sera ce dars-là. Et le dimanche, je terminerai donc le... Hein, pardon ? Non, la semaine prochaine. La semaine prochaine, inchallah. Après, il y avait d'autres dorades qui sont prévues. À mon avis, je pense pas que je pourrais y aller, pour plusieurs raisons. Donc on va peut-être se concentrer un peu sur Birmingham. D'accord, inchallah. Et puis aussi... Je pensais peut-être à faire des cours d'arabe parce qu'il y a beaucoup de frères qui demandent. Je ne sais pas si vous êtes intéressés ou pas. Il y a des, pour les sœurs, ça c'est important. Pour les sœurs, il y a des cours d'arabe maintenant le samedi dimanche ici à la mosquée. Ça a commencé aujourd'hui par des sœurs salafis. Ils sont organisés par le Mejid Salafi ici à la mosquée. Il y a tout ce qui touche à la règle. Je pense qu'il faut le Qaïda Nouraniya, non ? Par rapport à la lecture du Coran, qui est une méthode que. Hein ? D'accord ? Ça c'est très important pour les sœurs qui veulent apprendre le Coran correctement, apprendre les lettres correctement, etc. Et puis aussi l'arabie ben yedek. D'accord, je pense qu'il y a le niveau 1. Hein? Moi j'ai vu l'arabie ben yedek. Moi j'ai vu l'arabie ben yedek et le livre de Médine. Samedi c'est Médine et dimanche c'est. D'accord. Pour les sœurs qui veulent se renseigner en détail, d'accord, qu'elles se renseignent à la maktaba salafia, qu'elles téléphonent, hein, ou que leur mari téléphone, etc. Et qu'ils se renseignent pour savoir c'est quoi exactement les cours et les horaires des cours. Mais il y a des sœurs. Il y a des sœurs qui donnent cours, mais il y a des cours, c'est ça que je veux dire. Hein? D'accord ? Donc, l'excuse que certaines sœurs, qui est fausse de façon qu'utilisées pour aller dans certaines mosquées de Hizbi à droite et à gauche, hein, et faire le papillon à droite et à gauche, elle n'est plus là. D'accord ? Maintenant, il y a des sœurs salafis qui enseignent l'arabe, et sont expérimentées dans l'enseignement déjà à la base, et qui sont habituées en plus à enseigner la langue arabe depuis de nombreuses années ici à Birmingham. Donc, alhamdoulilah, il y a ce qu'il faut maintenant au Mejid Salafi. Hein? Donc elles se concentrent sur les salafis, qu'elles prennent la langue arabe avec des sœurs salafiates. D'accord ? Et pour les frères, on s'arrangera. Parce que je pensais faire l'ajroumia peut-être, ou l'arabia benedic pour certains frères, mais c'est une question de temps. Et peut-être faire quelques motounes par cœur en arabe, etc. Comme on avait fait quand j'étais arrivé au début à Birmingham. Wallahu alam wa subhanak wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.